je me souviens, Santo se m'a dit quitté. Ma chérie, choisis dans la vie, la course à la maçon, poto paranana yo. Pour la chiche, c'est pour l'ingo, ami, la isaïli na yo, oko ya komoto. Qui point de vue de notre alliance, yo kanga mato y jamais écouta mes disances. A mon avis, t'as pour écouter, et comme il mariage, au somme, y'a les gambo mama. Au ballon, la monte, maille, comme il s'en a voyé. Au siri, sanga, maille, elle est là, qui donc on a coulé, la gamme, c'est que la vie a moto, Yahweh, Akela, y'a mon casali. Lipa la, ah, mama, Lipa la.